furtif. C'est le mot qui s'impose d'abord. Le jeu théâtral des deux actrices figurant les deux bonnes doit être furtif. Les actrices retiendront leurs gestes, chacun étant comme suspendu ou cassé. Quelquefois, les voix aussi seront comme suspendues et cassées. Ces deux bonnes ne sont pas des garces. Elles n'ont ni cul ni saint provoquant. Elles pourraient enseigner la piété dans une institution chrétienne. Leur œil est pur, très pur, puisque tous les soirs elles se masturbent. Et déchargent en vrac l'une dans l'autre leur haine de madame. Les actrices ne doivent pas monter sur la scène avec leur érotisme naturel, imiter les dames de cinéma. L'érotisme individuel au théâtre ravale la représentation. Les actrices sont donc priées, comme disent les Grecs, de ne pas poser leur con sur la table. De ne pas poser leur con sur la table. Ces dames, les bonnes et madame, déconnent, comme moi, chaque matin devant la glace quand je me rase, ou la nuit quand je m'emmerde, ou dans un bois quand je me crois seul. Dans le bois de Redon, les petits garçons, les petits pions, les petits trous, les petits... C'est un conte, c'est-à-dire une forme de récit allégorique. Un conte. Un conte. Il faut à la fois y croire et refuser d'y croire. Mais afin qu'on y puisse croire, il faut que les actrices ne jouent pas selon un mode réaliste. Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres. Comme nous-mêmes, quand nous nous rêvons ceci ou cela. Sans pouvoir dire au juste ce qu'est le théâtre, je sais ce que je lui refuse d'être. La description de gestes quotidiens vus de l'extérieur. Je vais au théâtre afin de me voir sur la scène tel que je ne saurais ou n'oserais me voir ou me rêver et tel pourtant que je me sais être. Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser des gestes et des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même et de me montrer nu dans la solitude et son allégresse. I'd like to play a little game with you. A little game especially made for two. If you come closer, then I'll show you how. Closer, closer now. Préparez ma robe. Vite, le temps presse. Vous n'êtes pas là, Claire? Claire! Que madame m'excuse, je préparais le tilleul d'honneur. Disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée, les ventailles, les émeraudes, tous les bijoux de madame. Sortez-les! Je vais choisir, et naturellement les souliers vernis, ce que vous convoitez depuis des années. Pour votre noce, sans doute. Avouez qu'il vous a séduite, que vous êtes grosse. Avouez-le. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille. Qu'ils écroupissent. Ah ! Eh ! Vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage, et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive, par la brume de vos marécages? Je désire que madame soit belle. Vous me détestez, n'est-ce pas? Vous m'écrasez sous vos prévenances, sous votre humilité, sous les glaïeuls et le reseda. Ah! On s'encombre inutilement. Il y a trop de fleurs, c'est mortel. Je serai belle plus que vous ne serez jamais. Car ce n'est pas avec ce corps et cette face que vous séduirez Mario. Ce jeune laitier ridicule vous méprise. Et s'il vous a fait un gosse... Oh mais jamais je n'ai... Taisez-vous ! Idiote. Ma robe. La robe rouge. Madame mettra la robe rouge. J'ai dit la blanche, à paillettes. Madame portera ce soir la robe de velours écarlate. Ah, pourquoi? Il m'est impossible d'oublier la poitrine de madame sous le drapé de velours. Quand madame soupire et parle à monsieur de mon dévouement, une toilette noire servirait mieux votre veuvage. Comment? Dois-je préciser? Tu veux parler? Parfait. Menace-moi. Insulte ta maîtresse. Solange, tu veux parler, n'est-ce pas, des malheurs de monsieur? Sotte. Ce n'est pas l'instant de le rappeler, mais de cette indication, je vais tirer un parti magnifique. Tu souris? Tu en doutes? Ce n'est pas le moment d'exhumer. Mon infamie, d'exhumer. Quel mot! Madame! Je vois où tu veux en venir. J'écoute bourdonner déjà tes accusations. Depuis le début, tu m'injuries. Tu cherches l'instant de me cracher à la face. Madame, madame, nous n'en sommes pas encore là. Si monsieur... Si monsieur est en prison, c'est grâce à moi. Ose le dire, ose. Tu as ton franc-parler, parle. J'agis en dessous, camouflée par mes fleurs. Mais tu ne fais rien contre moi. Le moindre mot vous paraît une menace. Que madame se souvienne que je suis la bonne. Pour avoir dénoncé monsieur à la police, avoir accepté de le vendre, je vais être à ta merci. Et pourtant j'aurais fait pire, mieux. Crois-tu que je n'ai pas souffert? Claire, j'ai forcé ma main. Tu entends? Je l'ai forcée, lentement, fermement, sans erreur, sans rature, à tracer cette lettre qui devait envoyer mon amant aux bonnes. Et toi, plutôt que me soutenir, tu me nargues. Tu parles de veuvage. Monsieur n'est pas mort, Claire. Monsieur, de bagne en bagne, sera conduit jusqu'à la Guyane, peut-être. Et moi, sa maîtresse, folle de douleur, je l'accompagnerai. Je serai du convoi. Je partagerai sa gloire. Tu parles de veuvage. La robe blanche et le deuil des reines, Claire, tu l'ignores. Tu me refuses la robe blanche. Madame portera la robe rouge. Bien. Passez-moi la robe. Je suis bien seule et sans amitié. Je vois dans ton œil que tu me hais. Je vous aime. Comme on aime sa maîtresse, sans doute. Tu m'aimes et me respectes. Et tu attends ma donation, le codicille en ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais, tu me jetteras au feu. Oh, tirez moins fort. N'essayez pas de me ligoter. Évitez de me frôler. Reculez-vous. Vous sentez... Le fauve! De quelle infecte soupente, où la nuit les valets vous visitent, rapportez-vous ces odeurs. La soupente, la chambre des bains. La mansarde. C'est pour mémoire que je parle de l'odeur des mansardes, Claire. Là, là, les deux lits de fer séparés par la table de nuit. Là, la commode en pitch-pain avec le petit hôtel à la Sainte Vierge. C'est exact, n'est-ce pas? Nous sommes malheureuses. J'en pleurerai. Mais c'est exact. Donc passons sur nos dévotions à la Sainte Vierge en plâtre, sur nos agenouillements. Nous ne parlerons même pas des fleurs en papier. Oh. Oh. En papier. Et la branche de buis béni. Regarde ces corolles ouvertes à mon honneur. Je suis une vierge plus belle, Claire. Taisez-vous. Et là, la fameuse lucarne par où le laitier demi-nu saute jusqu'à votre lit. Bon, madame s'égare, madame. Vos mains. N'égarez pas vos mains. Vous l'ai assez murmuré. Elles empestent l'évier. La chute. Hein? La chute! J'arrange votre chute d'amour! Écartez-vous! Frôleuse! Voleuse, moi! Je dis frôleuse! Si vous tenez à pleurnicher, que ce soit dans votre mansarde. Je n'accepte ici dans ma chambre que des larmes nobles, le bas de ma robe à certains jours, en sera constellée, mais de larmes précieuses. Disposez la traîne, traînez, hein. Madame s'emporte dans ses bras parfumés. Le diable m'emporte. Il me soulève. Je décolle. Je pars. Et je reste. Le collier, mais dépêche-toi, nous n'aurons pas le temps. Si la robe est trop longue, fais un ourlet avec des épingles de nourrice. Ah ! Tenez vos mains loin des miennes. Votre contact est immonde. Dépêchez-vous. Oh, faut pas exagérer. Vos yeux s'allument, vous atteignez la rive. Vous dites ? Les limites, les bornes, madame. Il faut garder vos distances. Quel langage, ma fille. Claire, tu te venges, n'est-ce pas ? Tu sens approcher l'instant où tu quittes ton rôle. Madame me comprend à merveille. Madame me devine. Tu sens approcher l'instant où tu ne seras plus la bonne. Tu vas te venger. Tu t'apprêtes. Tu aiguises tes ongles. La haine te réveille. Claire, n'oublie pas. Oh, Claire, tu m'écoutes? Mais Claire, tu ne m'écoutes pas. Je vous écoute. Par moi seule, la bonne existe. Par mes cris et par mes gestes. Je vous écoute. C'est grâce à moi que tu es. Et tu me nargues. Tu ne peux savoir comme il est pénible d'être madame, Claire, d'être le prétexte à vous simagrer. Il me suffirait de si peu, et tu n'existerais plus. Mais je suis bonne. Mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore. Votre amant. Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage pour te réduire et t'exalter. Fais appel à toutes tes ruses et détends. Assez ! Dépêchez-vous. Vous êtes prête ? Et toi ? Je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous hais. Doucement, mon petit, doucement. Je vous hais ! Je vous méprise. Vous ne m'intimidez plus. Réveillez le souvenir de votre amant qui vous protège. Je vous hais. Je hais votre poitrine pleine de souffles embaumés, votre poitrine d'ivoire, vos cuisses d'or, vos pieds d'ambre. Je vous hais. Oh, oh, ma... Oui, madame. Ma belle madame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle, m'en priver et me prendre le laitier. Avouez, avouez le laitier. Sa jeunesse, sa fraîcheur vous trouble, n'est-ce pas? Avouez le laitier, car Solange vous emmerde. Claire, Claire, hein? Claire, Solange, Claire. Ah oui, Claire. Claire vous emmerde. Claire est là, plus claire que jamais, lumineuse. Oh, oh, Claire. Madame se croyait protégée par ses barricades de fleurs, sauvée par un exceptionnel destin, par le sacrifice. C'est compté sans la révolte des bonnes. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Ce monsieur n'était qu'un triste voleur, et vous... Je t'interdis. M'interdire? Plaisanterie. Madame est interdite. Son visage se décompose. Vous désirez un miroir? J'y suis plus belle. Le danger m'auréole, Claire. Et toi, tu n'es que ténèbres. Infernal! Je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là. Les dévouées servantes. Ne venez plus belles pour les mépriser. Ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ah, ne riez pas! Surtout ne riez pas de ma grandiloquence. Allez-vous-en! Pour vous servir encore, madame. Je retourne à ma cuisine, j'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents. Le rond silencieux de l'évier. Vous avez vos fleurs, j'ai mon évier, je suis la bonne. Vous, au moins, vous ne pouvez pas me souiller. Mais vous ne l'emporterez pas en paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma haine à la porte. Riez! Riez un peu! Et priez vite! Très vite! Vous êtes au bout du rouleau, ma chère. Bas les pattes et découvrez ce cou fragile. Allez! Ne tremblez pas. Ne frissonnez pas. J'opère vite et en silence. Oui. Je vais retourner à ma cuisine, mais avant, je termine ma besogne. Remarque, surveille la fenêtre. Remarque que nous avons de la marge. J'ai remonté le réveil de façon qu'on puisse tout ranger. Il fait lourd ce soir. Il a fait lourd toute la journée. Oui. Et cela nous tue, Claire. Oui. C'est l'heure. Oui. Je vais préparer la tisane. Surveille la fenêtre. On a le temps. Regarde encore, Claire, mon petit. Je suis là. Surveille la fenêtre. Grâce à ta maladresse, rien ne serait à sa place. Il faut que je nettoie la robe de madame. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux te ressembler maintenant. Reprends ton visage. Allons, Claire, redeviens ma sœur. Je suis à bout. La lumière, ma sœur. Tu crois que les gens d'en face... Mais qu'est-ce que cela peut nous faire? Tu ne voudrais pas qu'on... qu'on s'organise dans le noir. Ferme les yeux, Claire, ferme les yeux, repose-toi. Oh, quand je dis que je suis lasse, c'est une façon de parler. On n'en profite pas pour me plaindre, hein. Ne cherche pas à me dominer. Je voudrais que tu te reposes. C'est surtout quand tu te reposes que tu m'aides. Je te comprends, ne t'explique pas. Monsieur, je m'expliquerai. C'est toi qui as commencé. Et d'abord, en faisant cette allusion, tu crois que je ne t'ai pas deviné. Si Mario... Oh dit... Si le laitier me dit des grossièretés le soir, il t'en dit autant que tu étais bien heureuse de pouvoir... Donc tu ferais mieux de voir si tout est en ordre. Regarde. La clé du secrétaire était placée comme ceci. Et sur les yeux... Tu étais heureuse tout à l'heure de pouvoir mêler tes insultes et les détails de notre vie privée. Avec quoi? Non, à la chose. La cérémonie. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps de commencer une discussion ici. Elle va rentrer. Mais Solange, nous la tenons cette fois. J'ai envie d'avoir vu sa tête en apprenant l'arrestation de son amant. Pour une fois, j'ai fait du beau travail. Tu le reconnais? Sans moi, sans ma lettre de dénonciation, tu n'aurais pas eu ce spectacle. L'amant avec les menottes et madame en larmes. Elle peut en mourir. Ce matin, elle ne tenait plus debout. Tant mieux qu'elle en claque. Et que j'hérite à la fin. Ne plus remettre les pieds dans cette mansarde sordide. Entre ces imbéciles, cette cuisinière et ce valet de chambre. Moi, je l'aimais, notre mansarde. Ne t'attendris pas. Tu l'aimes pour me contredire. Moi qui la hais. Je la vois telle qu'elle est. Sordide et nue. Dépouillée, comme dit madame. Mais quoi, hein? Nous sommes dépouillés. Ah non, ne recommence pas. Regarde plutôt la fenêtre. Moi, je ne peux rien voir, la nuit est trop noire. Que je parle, que je me vide. J'ai aimé la mansarde parce que sa pauvreté m'obligeait à de pauvres gestes. Pas de tenture à soulever, pas de tapis à fouler, pas de meubles à caresser, de l'œil ou du torchon, pas de glace, pas de balcon. Rien ne nous forçait à un geste trop beau. Mais rassure-toi, tu pourras continuer en prison à faire ta souveraine, ta Marie-Antoinette, te promener la nuit dans l'appartement. T'es folle. Jamais je ne me suis promenée dans l'appartement. Mademoiselle ne s'est jamais promenée. Enveloppée dans les rideaux ou le couvre-lit de dentelle, n'est-ce pas? Se contemplant dans les miroirs, se pavanant au balcon et saluant à 2 heures du matin le peuple accouru défiler sous ses fenêtres. Jamais, non, demain. Mais, Solange, la nuit est trop noire pour épier madame. Sur ton balcon, tu te croyais invisible. Pour qui me prends-tu? N'essaie pas de me faire croire que tu es somnambule. Au point où nous en sommes, tu peux avouer. Mais, Solange, tu cries. Je t'en prie, parle plus bas. Madame peut rentrer en sourdine. Laisse les rideaux. Je n'aime pas te voir les soulever de cette façon. Le matin de son arrestation, quand il épiait les policiers, monsieur faisait comme toi. Le moindre geste paraît un geste d'assassin qui veut s'enfuir par l'escalier de service. Tu as peur maintenant. Ironise afin de m'exciter. Ironise, va. Personne ne m'aime. Personne ne nous aime. Elle nous aime. Elle est bonne. Madame est bonne. Madame nous adore. Mais elle nous aime comme ses fauteuils. Et encore, comme la faïence rose de ses latrines, comme son bidet. Mais nous ne pouvons pas nous aimer. La crasse n'aime pas la crasse. Si tu crois que je vais en prendre mon parti, continuer le jeu et le soir rentrer dans mon liquage, pourrons-nous même le continuer, ce jeu? Et moi, si je n'ai plus à cracher sur quelqu'un qui m'appelle Claire, mes crachats vont m'étouffer. Mon jet de salive, c'est mon aigrette de diamant. Parle plus doucement, je t'en prie. Parle. Parle de la bonté de madame. Sa bonté? Oh, c'est facile, hein, d'être bonne et souriante et douce quand on est belle et riche. Mais être bonne quand on est bonne. On se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle. On brandit un plumeau comme un éventail. On a des gestes élégants avec la serpillière. Ou bien on va, comme toi, la nuit, s'offrir le luxe d'un défilé historique dans les appartements de madame. Solange! Encore! Et tu cherches quoi? Tu penses que tes accusations vont nous calmer? Sur ton compte, je pourrais en raconter de plus belles. Toi? Toi? Parfaitement, si je voulais. Parce qu'enfin, après tout... Tout? Après tout? Qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui as parlé de cet homme. Claire, je te hais. Et je te le rends. Mais je n'irai pas chercher le prétexte d'un laitier pour te menacer. De nous deux, qui menace l'autre? Hein? Tu hésites? Essaye d'abord, tire la première. C'est toi qui recules, Solange. Tu n'oses pas m'accuser du plus grave, mes lettres à la police. La mansarde a été submergée sous mes essais d'écriture. Sous des pages et des pages, j'ai inventé les pires histoires et les plus belles dont tu profitais. Hier soir, madame, dans la robe blanche. Oh, tu jubilais, oh, tu jubilais. Oh, tu te voyais déjà montant en cachette sur le bateau des déportés, sur le... La Martinière. Tu accompagnais monsieur, ton amant. Tu fuyais la France. Tu partais pour l'île du diable, pour la Guyane. Avec lui, un beau rêve. Parce que j'avais le courage d'envoyer mes lettres anonymes, tu te payais le luxe d'être une prostituée de haut vol. Une Itaïre. Tu étais heureuse de ton sacrifice. De porter la croix du mauvais larron, de lui torcher le visage, de le soutenir, de te livrer au chiourme pour que lui soit accordée Un léger soulagement. Mais toi, tout à l'heure, quand tu parlais de le suivre... Je ne le nie pas, j'ai repris l'histoire où tu l'avais lâché, mais avec moins de violence que toi. Dans la mansarde, déjà au milieu des lettres, le tangage te faisait chalouper. Tu ne te voyais pas. Aussi, je peux me regarder dans ton visage et voir les ravages qui fait notre victime. Monsieur est maintenant derrière les verrous, réjouissons-nous. Au moins, nous éviterons ces moqueries et tu seras plus à ton aise pour te prélasser sur sa poitrine. Tu inventeras mieux son torse et ses jambes. Tu épieras sa démarche. Le tangage te faisait chalouper. Déjà, tu t'abandonnais à lui au risque de nous perdre. Comment ? Je précise, perdre. Pour écrire mes lettres de dénonciation à la police, il me fallait des faits, citer des dates. Et comment m'y prendre, hein ? Souviens-toi. Ma chère, votre confusion rose est ravissante. Tu as honte. Tu étais là pourtant. J'ai fouillé dans les papiers de madame et j'ai découvert la fameuse correspondance. Et après... Oh, mais tu m'agaces à la fin. Après ? Eh bien, après, tu as voulu conserver les lettres de monsieur. Et hier soir, encore dans la mansarde, il restait une carte de monsieur adressée à madame. Je l'ai découverte. Tu fouilles dans mes affaires, toi ? C'est mon devoir. À mon tour de m'étonner de tes scrupules. Je suis prudente, pas scrupuleuse. Quand je risquais tout en m'agenouillant sur le tapis pour forcer la serrure du secrétaire, pour façonner une histoire avec des matériaux exacts, toi, enivrée par l'espoir d'un amant coupable, criminel et banni, tu m'abandonnais ! J'avais placé un miroir de façon à voir la porte d'entrée, je faisais le guet ! Ce n'est pas vrai ! Je remarque tout et je t'observe depuis longtemps avec ta prudence coutumière. Tu t'es restée à l'entrée de l'office, prête à bondir au fond de la cuisine, à l'arrivée de madame. Tu mens, Claire, je surveillais le corridor. C'est faux! Il s'en est fallu de peu que madame ne me trouve au travail. Toi, sans t'occuper si mes mains tremblaient en fouillant les papiers, toi, tu étais en marche, tu traversais les mers, tu forçais l'équateur. Mais toi-même, tu as l'air de ne rien savoir de tes extases. Ah, ose dire que tu n'as jamais rêvé d'un bagnard. Ose dire que tu n'as jamais rêvé précisément de celui-là. Ose dire que tu ne l'as pas dénoncé justement, justement, quel beau mot, afin qu'il serve ton aventure secrète. Je sais ça, et davantage. Je suis la plus lucide. Mais l'histoire, c'est toi qui l'as inventée. Tourne ta tête. Ah, si tu te voyais, Solange. Le soleil de la forêt vierge illumine encore ton profil. Tu prépares l'évasion de ton amant. Ah, comme tu te travailles. Mais rassure-toi, je te hais pour d'autres raisons. Tu les connais. Je ne te crains pas. Je ne doute pas de ta haine, de ta fourberie. Mais fais bien attention, c'est moi l'aînée. Qu'est-ce que cela veut dire, l'aînée ? Et la plus forte ? Tu m'obliges à te parler de cet homme pour mieux détourner mes regards. Allons donc. Tu crois que je ne t'ai pas découverte ? Tu as essayé de la tuer. Tu m'accuses ? Ne nie pas, je t'ai vue. Et j'ai eu peur. Peur, Solange. Quand nous accomplissons la cérémonie, je protège mon cou. C'est moi que tu vises à travers madame. C'est moi qui suis en danger. Oui, j'ai essayé, j'ai voulu te délivrer, je n'en pouvais plus. J'ai tout fait de te voir étouffer, rougir, verdir, pourrir dans l'aigre et le doux de cette femme. Tu as raison, je t'aimais trop, reproche-le-moi. Tu aurais été la première à me dénoncer si je l'avais tuée. C'est par toi que j'aurais été livrée à la police. Solange ! Il s'agit de moi ! Solange, ma petite sœur, j'ai tort, elle va rentrer. Je n'ai tué personne, tu comprends ? J'ai été lâche ! J'ai fait tout mon possible, mais... Elle s'y retournait en dormant, elle gonflait les draps, elle respirait doucement. C'était madame. Tais-toi. Pas encore, tu as voulu savoir. Attends, je vais t'en raconter d'autres. Tu connaîtras comme elle est faite, ta sœur. De quoi elle est faite ? Ce qui compose une bonne. J'ai voulu l'étrangler. Pense au ciel, pense à ce qu'il y a après. Que dalle ! J'en ai assez de m'agenouiller sur des bancs. À l'église, j'aurais eu le velours rouge des abbesses ou la pierre des pénitentes, mais au moins noble serait mon attitude. Voir vois comme elle souffre bien, elle. Comme elle souffre en beauté. La douleur la transfigure. En apprenant que son amant était un voleur, elle exultait. Elle tenait tête à la police. Et maintenant, c'est une abandonnée magnifique, soutenue sous chaque bras par deux servantes attentives et désolée par sa peine. Tu l'as vu ? Sa peine étincelante des feux de ses bijoux, du satin de ses robes, des lustres. Claire, la beauté de mon crime devait racheter la pauvreté de mon chagrin. Après, j'aurais mis le feu ! Toi, Solange, le feu pouvait ne pas prendre. On t'aurait découverte. Tu sais ce qu'attend les incendiaires. Je sais tout ! J'ai eu l'œil et l'oreille aux serrures. J'ai écouté aux portes plus qu'aucune autre domestique. Je sais tout ! Incendiaire. Mais c'est un titre admirable. Tais-toi ! Tu m'étouffes. J'étouffe ! Ah ! Laissez entrer un peu d'air ici. Et que veux-tu faire ? Ouvrir ! Aussi. Depuis longtemps, j'étouffe. Depuis longtemps, je voulais mener le jeu à la face du monde, hurler ma vérité sur les toits, descendre dans la rue sous les apparences de madame. Tais-toi ! Je voulais dire ! Mais tu as raison, c'est trop tôt. Laisse la fenêtre. Ouvre les portes de l'antichambre et de la cuisine. Va voir si l'eau boue. Toute seule ? Eh ben, attends alors ! Attends ! Attends qu'elle vienne. Elle apporte son étole, ses perles, ses larmes, ses soupirs, ses sourires, sa douceur. Monsieur ? C'est monsieur. C'est clair, monsieur. Bien, j'avertirai madame. Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté. Bien, monsieur. Je vais noter. Monsieur attend madame au Bilboquet. Bien, bonsoir, monsieur. Il est sorti ! Le juge le laisse en liberté provisoire. Mais alors, toutquin, tu le vois bien. Les juges ont eu le toupet de le lâcher. On bafoue la justice. On nous insulte. Et si monsieur est libre, il voudra faire une enquête. Il fouillera la maison pour découvrir la coupable. Je me demande si tu saisis la gravité de la situation. J'ai fait ce que j'ai pu à nos risques et périls. Tu as bien travaillé, mes compliments. Tes dénonciations, tes lettres, tout marche à merveille. Et si on reconnaît ton écriture, c'est parfait. Et pourquoi va-t-il au Bilboquet d'abord et pas ici ? Tu peux l'expliquer ? Puisque tu es si habile, il fallait réussir ton affaire avec madame. Mais tu as eu peur. L'air était parfumé, le lit tiède. C'était madame. Il nous reste à continuer cette vie. Reprendre le jeu. Le jeu est dangereux. Je suis sûre que nous avons laissé des traces par ta faute. Nous en laissons chaque fois. Je vois une foule de traces que je ne pourrai jamais effacer. Et elle se promène au milieu de cela qu'elle apprivoise. Elle le déchiffre. Elle pose le bout de son pied rose sur nos traces. L'une après l'autre, elle nous découvre. Par ta faute, madame se moque de nous. Madame saura tout. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous volions ses gestes, que nous embobinions son amant de nous si malgré. Tout va parler, Claire, tout nous accusera. Les rideaux marqués par tes épaules, les miroirs par mon visage, la lumière qui avait l'habitude de nos folies. La lumière va tout avouer. Par ta maladresse, tout est perdu. Tout est perdu parce que tu n'as pas eu la force pour... Pour ? La tuer. Je peux encore trouver la force qu'il faut. Où ? Où ? Tu n'es pas aussi au-delà que moi. Tu ne vis pas au-dessus de la cime des arbres. Un laitier traversant ta tête te bouleverse. c'est de n'avoir pas vu sa figure, Claire. D'avoir été tout à coup si près de madame, parce que j'étais près de son sommeil, je perdais mes forces. Il fallait relever le drap que sa poitrine soulevait pour trouver la gorge. Les draps étaient tièdes, la nuit noire. C'est en plein jour qu'on fait ces coups-là. Tu es incapable d'un acte aussi terrible. Mais moi, je peux réussir. Je suis capable de tout et tu le sais. Le gardénal. Oui. Parlons paisiblement. Je suis forte. Tu as essayé de me dominer. Mais Claire! Pardon, je sais ce que je dis. Je suis claire et prête. J'en ai assez. Assez d'être l'araignée, le fourreau de parapluie, la religieuse sordide et sans Dieu, sans famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme hôtel. Je suis la pimpèche, la putride. À tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses, madame n'arrive pas. Moi aussi, je n'en peux plus de notre ressemblance. Je n'en peux plus de mes mains, de mes bas noirs, de mes cheveux. Je ne te reproche rien, ma petite sœur. Tes promenades te soulageaient. Ah, laisse ! Je voudrais t'aider. Je voudrais te consoler. Mais je sais que je te dégoûte. Je te répugne. Et je le sais, puisque tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. C'est trop s'aimer. Mais j'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie mon image comme une mauvaise odeur. Tu es ma mauvaise odeur? Eh bien, je suis prête. J'aurai ma couronne. Je pourrai me promener dans les appartements. Mais nous ne pouvons tout de même pas la tuer pour si peu. Vraiment, ce n'est pas assez. Pourquoi, s'il vous plaît? Pour quel autre motif? Où est Kant? Trouvez un plus beau prétexte. Ce n'est pas assez. Ce soir, madame assistera à notre confusion, en riant aux éclats, en riant parmi ses pleurs, avec ses soupirs épais. J'aurai ma couronne. Je serai cette empoisonneuse que tu n'as pas su être. À mon tour de te dominer. Mais jamais... Passe-moi la serviette, passe-moi les épingles à linge, épluche les oignons, gratte les carottes, lave les carreaux. Fini, c'est fini. Ah, j'oubliais. Ferme le robinet. C'est fini. Je disposerai du monde. Ma petite sœur. Tu m'aideras. Tu ne sauras pas quel geste faire. Les choses sont plus graves, Claire, plus simples. Je serai soutenue par le bras solide du laitier. Il ne flanchera pas. J'appuierai ma main gauche sur sa nuque. Tu m'aideras. Et s'il faut aller plus loin, Solange, si je dois partir pour le bagne, tu m'accompagneras. Tu monteras sur le bateau, Solange. À nous deux, nous serons ce couple éternel, du criminel et de la sainte. Nous serons sauvés, Solange. Je te le jure, sauvés. Oh, calme-toi. Je vais te porter là où tu vas dormir. Laisse-moi. Fais de l'ombre. Fais un peu d'ombre, je t'en supplie. Oh. Repose-toi, mon petit soeur. Repose-toi. Pose ton pied. Ferme les yeux. J'ai honte, Solange. Ne parle pas. Laisse-moi faire. Je vais t'endormir. Et quand tu dormiras, je te porterai là-haut, dans la mansarde. Je te déshabillerai et je te coucherai dans ton lit cage. Dors. Je serai là. J'ai honte, Solange. Laisse-moi te raconter une histoire. Solange. Mon ange. Solange, écoute. Dors. Mmh. Tu as de beaux cheveux. Quels beaux cheveux. Les siens ne parlent plus d'eux. Les siens sont faux. Tu te rappelles toutes les deux, sous l'arbre, nos pieds au soleil, Solange. Je suis là. Je suis ta grande sœur. Non, non, pas de faiblesse. Anime, anime. Le moment est trop beau. Debout et mangeons. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, hein? Il faut manger pour être forte. Viens, tu vas me conseiller. Le cardinal. Oui, le cardinal. Le cardinal. Je vois sa tête. Il faut être joyeuse et chanter. Chantons, chante, comme quand tu iras mendier dans les cours et les ambassades. Le commandant du cachalot vient d'engager à Saint-Malo 20 gants, pas davantage. Et ce sont tous d'affreux matelots, on ne connaît qu'un seul salaud parmi cet équipage. Qui triche au jeu, sitôt qu'il perd, qui est brutal, jaloux, amer, c'est... Jenny Palmer. Qui parle à tort et à travers, malfaisant que son commerce. Jenny Palmer. Ne cherche pas qui a volé la belle montre à l'oreille. Et zigouillez froidement le chat du bord, le chat du bord. C'est celui qui, pour boire un verre, tu trahis son père, vendrait sa mère, c'est Il faut rire, sinon le tragique va nous faire nous envoler par la fenêtre. Ferme la fenêtre. L'assassinat est une chose inénarrable. Chantons. Que celui qui, pour boire un verre, trahis son père, vendrait sa mère, c'est Jenny Palmer. Nous l'emporterons dans un bois. Et sous les sapins au clair de lune, nous la découperons en morceaux. Nous chanterons, nous l'enterrerons sous les fleurs, dans nos parterres que nous arroserons le soir, avec un petit arrosoir. C'était le cas. Tu es sûr de tenir le coup? Il en faut combien? 10. Mais en 10 dans son tilleul. 10 cachets de cardinal. Mais qui n'osera pas. Je tube sur moi 10. 10. 9 ne suffirait pas. Davantage la ferait vomir. 10. Et fais le tilleul très fort. Très sucré. Cette fois, monsieur, bel et bien incarcéré. incarcéré, Solange. Incarcéré. Et dans des circonstances infernales. Que réponds-tu à cela? Voilà ta maîtresse mêlée à la plus sordide affaire et à la plus sotte. Monsieur est couché sur la paille et vous m'élevez en reposoir. Madame ne doit pas se laisser aller. Les prisons ne sont plus comme sous la Révolution. La paille humide des cachots n'existait plus. Je le sais. N'empêche que mon imagination invente les pires tortures à monsieur. Les prisons sont pleines de criminels dangereux. Et monsieur qui est la délicatesse même vivra avec eux. Oh, je meurs de honte. Alors qu'il essaie de s'expliquer son crime, moi, je me rends au milieu d'un parterre, sous des tonnelles, avec le désespoir d'un lame. Je suis brisée. Vos mains sont gelées. Je suis brisée. Chaque fois que je rentrerai, mon cœur battra avec cette violence terrible. Et un beau jour, je m'écroulerai morte sous vos fleurs. Puisque c'est mon tombeau que vous préparez, puisque depuis quelques jours vous accumulez dans ma chambre des fleurs funèbres. Oh, j'ai eu très froid! Mais je n'aurai pas le courage de m'en plaindre. Toute la soirée, j'ai traîné dans les couloirs. J'ai vu des hommes glacés, des visages de marbre, des têtes de cygne. Mais j'ai pu apercevoir, monsieur. Oh, de très loin, du bout des doigts, j'ai fait un signe. À peine. Je me sentais coupable. Et je l'ai vu disparaître entre deux gendarmes. Des gendarmes? Madame est sûre? Ce sont plutôt des gardes. Tu connais des choses que j'ignore. Gardes ou gendarmes, ils ont emmené, monsieur. Je quitte à l'instant la femme d'un magistrat. Claire! Prépare le tilleul de madame. Qu'elle se presse! Oh, pardon. Pardon, ma petite Solange. Pardonne-moi. J'ai honte de réclamer du tilleul qu'à monsieur seul, sans nourriture, sans tabac, sans rien. Les gens ne savent pas assez ce qu'est la prison. Ils manquent d'imagination. Mais j'en ai trop. Ma sensibilité m'a fait souffrir atrocement. Vous avez de la chance, Claire et toi, d'être seule au monde. L'humilité de votre condition vous épargne quel malheur. On s'apercevra vite que monsieur est innocent. Il l'est. Il l'est. Mais innocent ou coupable, je ne l'abandonnerai jamais. Voici à quoi on reconnaît son amour pour un être. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, avec quelle joie j'accepterais de porter sa croix. D'étape en étape, de prison en prison et jusqu'au bagne, je le suivrai à pied s'il le faut. Oh, jusqu'au bagne, Solange. Que je fume? Une cigarette? On ne le permettrait pas. Les épouses des bandits, ou leur mère, ou leur sœur, ne peuvent même pas les suivre. Un bandit, quel langage, ma fille. Et quelle science. Un condamné n'est plus un bandit. Ensuite, je forcerai les consignes. Et Solange, j'aurai toutes les audaces, toutes les ruses. Madame est courageuse. Tu ne me connais pas encore. Jusqu'à présent, vous avez vu ta sœur et toi, une femme entourée de soins et de tendresse, se préoccuper de ses tisanes et de ses dentelles. Mais depuis longtemps, je viens d'abandonner mes manies. Je suis forte et prête pour la lutte. D'ailleurs, monsieur ne risque pas l'échafaud. Mais il est bien que je me lève à ce même niveau. J'ai besoin de cette exaltation pour penser plus vite et besoin de cette vitesse pour regarder mieux. Grâce à quoi je percerai peut-être cette atmosphère d'inquiétude où je m'avance depuis ce matin. Grâce à quoi je devinerai peut-être ce qu'est cette police infernale disposant chez moi d'espions mystérieux. Il ne faut pas s'affoler. J'ai vu acquitter des cas plus graves aux assises d'Aix-en-Provence. Le cas de monsieur est incomparable. On l'accuse de vol, idiot. Tu es satisfaite? De vol. Idiot. Idiot comme la lettre de dénonciation qui l'ont fait arrêter. Madame devrait se reposer. Je ne suis pas lasse. Cessez de me traiter comme une impotente à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus la maîtresse que vous permettez de conseiller et d'entretenir sa paresse. Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. Vos gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse m'accable. Elle m'agace, elle me touffe, votre gentillesse, qui depuis des années n'a jamais vraiment pu devenir affectueuse. Et ce fleur, ah, ces fleurs qui sont là pour fêter juste le contraire d'une énance. Il vous manquait de faire du feu pour me chauffer. Oh, est-ce qu'il y a du feu dans sa cellule? Il n'y a pas de feu, madame. Et si madame veut dire que nous manquons de discrétion... Mais je ne veux rien dire de pareil. Madame désire voir les comptes de la journée? Oh non! Non! En effet, tu es inconscient. Crois-tu que j'ai la tête aux chiffres? Mes enfants sont là. Mais me priserais-tu assez que tu refuses toute délicatesse? Parler deux chiffres, deux livres de comptes, de recettes, de cuisines, ton fils, et ne fasse mon fils comme j'ai le désir de rester seul avec mon chagrin. Non, mais convoque le fournisseur pendant que tu y es. Nous comprenons le chagrin de madame. Non que je veuille tendre de noir à l'appartement, mais enfin. Mais la doublure est déchirée. Je la donnerai au fourreur demain. Si tu veux, encore que ce ne soit guère la peine. Maintenant, j'abandonne mes toilettes. D'ailleurs, je suis une vieille femme. N'est-ce pas, Solange? Que je suis une vieille femme. Les idées noires qui reviennent. J'ai des idées de deuil, ne t'en étonne pas. Comment songer à mes toilettes et à mes fourrures quand monsieur est en prison? Si l'appartement vous paraît trop triste, oh, madame, vous n'avez aucune raison de partager mon malheur, je vous l'accorde. Nous n'abandonnerons jamais, madame. Après tout ce que madame a fait pour nous. Je le sais, Solange. Étiez-vous très malheureuse? Oh! Oh, vous êtes un peu me fille! Avec vous, la vie me sera moins triste. Nous partirons pour la campagne. Vous aurez les fleurs du jardin. Mais vous n'aimez pas les jeux. Vous êtes jeune, vous ne riez jamais. À la campagne, vous serez tranquille, je vous dorloterai. Et plus tard, je vous laisserai tout ce que j'ai. D'ailleurs, que vous manque-t-il? Rien qu'avec mes anciennes robes, vous pourriez être vêtues comme des princesses. Et mes robes, à quoi serviraient-elles? J'abandonne la vie élégante. Le tilleul est prêt. Adieu les bars, les soirées, les théâtres. C'est vous qui hériterez de tout cela. Que madame conserve ses toilettes! Comment? Madame devra même en commander de plus belles. Comment encourage le couturier? Je viens de l'expliquer à ta sœur. Il me faudra une toilette noire pour mes visites au parloir, mais de là... Madame sera très élégante. Son chagrin lui donnera de nouveaux prétextes. Hein? Mais tu as sans doute raison. Je continuerai à m'habiller pour monsieur. S'il faudra que j'invente le deuil de l'exil de monsieur, je le porterai plus somptueux que celui de sa mort. Et vous me devez en portant mes vieilles robes. En vous les donnant, j'attirerai peut-être la clémence sur monsieur, on ne sait jamais. Mais madame, le tilleul est prêt, madame. Pose-le, je le boirai tout à l'heure. Vous aurez mes robes. Je vous donne tout. Jamais nous ne pourrons remplacer madame. Si madame connaissait nos précautions pour arranger ses toilettes, l'armoire de madame, c'est pour nous, comme la chapelle de la Sainte Vierge. Quand nous l'ouvrons... La tilleule va refroidir. Nous l'ouvrons à deux battants nos jours de fête. Nous pouvons à peine regarder les robes, nous n'avons pas le droit. L'armoire de madame est sacrée, c'est sa grande penderie. Vous bavardez, vous fatiguez, madame. C'est fini! Ah, ma belle fascination! La plus belle! Pauvre belle, c'est l'envin qu'il avait dessiné pour moi, spécialement. Tiens, je vous la donne. Je t'en fais cadeau. Claire! Oh, madame me la donne vraiment? Bien sûr, puisque je te le dis. Madame est trop bonne. Vous pouvez remercier madame depuis le temps que vous l'admiriez. Jamais je ne serai la même. Elle est si belle. Tu pourras la faire retailler. Dans la traîne seulement, il y a le velours des manches. Oh, elle sera très chaude. Telle que je vous connais, je sais qu'il vous faut des étoffes solides. Et toi, Solange, qu'est-ce que je vais te donner, chicabou-chicabou? Tiens. Je vais te donner mes renards. Le manteau de parade. Quelle parade? Claire veut dire que madame ne le portait qu'aux grandes occasions. Mais pas du tout. Enfin. Ah, vous avez de la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'en veux, je dois les acheter. Mais j'en commanderai des plus riches, afin que le deuil de monsieur soit plus magnifiquement conduit. Madame est belle. Oh non. Non, non, ne me remerciez pas. Il est si agréable de faire des heureux autour de soi. Car je ne songe qu'à faire du bien. Qui peut être assez méchant pour me punir? Et me punir... De quoi? Oh, je me croyais si bien protégée de la vie, si bien protégée par votre dévouement, si bien protégée par monsieur. Toute cette coalition d'amitié n'aura pas réussi une barricade assez haute contre le désespoir. Oh, je suis désespérée. Des lettres que je suis seule à connaître. Solange? Oui, madame. Quoi? Ah! Oh. Tu fais de révérence à Claire! Ah! j'ai la clé du secrétaire. Bah, je t'appelais pour te demander ton avis. Qui a pu envoyer ces lettres? Aucune idée, naturellement. Vous êtes comme moi, aussi éperlué. Mais la lumière sera faite, mes petites. Monsieur saura débrouiller le mystère. Je veux qu'on analyse l'écriture et qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur. Qui a encore décroché le récepteur et pourquoi on a téléphoné? C'est moi. C'est comme monsieur. Monsieur? Quel monsieur? Parlez! Quand monsieur a téléphoné! De prison! Oh, monsieur a téléphoné de prison! Nous voulions faire une surprise à madame! Monsieur est en liberté provisoire! Ah! Il attend madame au bibliothèque! Oh, si madame savait! Madame ne nous pardonnera jamais! Et vous ne disiez rien! Une voiture! Solange! Vite, vite! Une voiture! Mais dépêchez-toi! Cours, voyons! Mais fourrure! Mais plus vite! Oh, oh, vous êtes folle! C'est moi qui le deviens! Quand a-t-il téléphoné? 5 minutes avant le retour de madame. Il fallait m'en parler! Mais c'est-il qui est froid? Oh, jamais je ne pourrai attendre le retour de Solange! Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je viens de dire. Il était très calme. Lui, toujours. Sa condamnation à mort le laisserait insensible. C'est une nature. Ensuite. Bien. Il a dit que le juge le laissait en liberté. Comment peut-on sortir du palais de justice à minuit? Les juges travaillent si tard? Quelquefois, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, hein? Mais comment le sais-tu? Je suis au courant, je lis. Détective. Ah! Oui? Tiens, comme c'est curieux. Tu es vraiment une drôle de fille, Claire. Oh, elle pourrait se dépêcher! Tu n'oublieras pas de faire recoudre la doublure de mon manteau. Je le porterai demain au fourreur. Et les comptes? Les comptes de la journée. J'ai le temps. Montrez-les-moi. C'est Solange qui s'en occupe. C'est juste. D'ailleurs, j'ai la tête à l'envers. Je le verrai demain. Approche un peu. Approche. Mais tu es fardée, mais Claire. Mais tu te fardes. Madame! Oh, oh, ne mens pas. D'ailleurs, tu as raison. Vis, ma fille. Oh, ris. C'est en l'honneur de qui? À vous! Ce n'est pas de la poudre, c'est du rouge. C'est de la cendre de rose, un vieux rouge dont je ne me sers plus. D'ailleurs, tu as raison. Tu es encore jeune. Envelis-toi, ma fille. Arrange-toi. Ah, oh, que fait-elle? Il est minuit, elle ne revient pas. Les taxis sont rares. Elle a dû courir en chercher jusqu'à la station. Tu crois? Oh, je ne me rends pas compte du temps, le bonheur m'affole. Monsieur téléphonant qu'il est libre. Et à une heure pareille. Madame devrait s'asseoir. Je vais réchauffer le tilleul. Mais non, je n'ai pas soif. Cette nuit, c'est du champagne que nous allons boire. Mais nous ne rentrerons pas. Vraiment? Un peu de tilleul? Je suis déjà trop énervée. Justement. Vous ne nous attendrez pas, surtout, Solange et toi. Montez-vous coucher tout de suite. vite. Mais ce réveil, qu'est-ce qu'il fait là? D'où vient-il? Le réveil? C'est le réveil de la cuisine! Ah! Ça? Je ne l'ai jamais vu. Il était sur l'étagère, il y a depuis toujours. Il est vrai que la cuisine m'est un peu étrangère. Vous y êtes chez vous, c'est votre domaine. Vous en êtes les souverains. Je me demande pourquoi vous l'avez apporté ici. Monsieur Solange, pour le ménage, elle n'ose jamais se fier à la pendule. Elle est l'exactitude même. Je suis servie par les servantes les plus fidèles. Nous adorons, madame. Et vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Madame nous avait tu comme des princesses. Madame a soigné Claire ou Solange, car madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Madame nous permettait d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donnait les petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche, nous allions à la messe et nous placions sur un prie-Dieu près du sien. Écoute! Écoute! Elle accepte l'eau bénite que nous lui tendons. Et parfois, du bout de son gant, elle nous en offre. Le taxi, elle arrive. Oh, oh, que dis-tu? Je me récite les bontés de madame. Qu'est d'honneur? Qu'est d'honneur et de négligence? Vous les chargez des roses, mais n'essuyez pas le meuble. Madame n'est pas satisfaite du service. Mais très heureuse, Claire. Et j'ai pas... Madame prendra le tilleul, même s'il est froid. Tu veux me tuer avec ton tilleul, tes fleurs, tes recommandations. Ce soir... Un peu, seulement. Ce soir, je boirai du champagne. Du tilleul. Merci dans le service de gala. Et pour quelle solennité? Madame! Enlevez ces fleurs. Emportez-les chez vous. Reposez-vous. Oh, monsieur est libre! Claire! Monsieur est libre! Et je vais le rejoindre! Madame! Madame! S'échappe! Madame est bonne, madame est belle, madame est douce. Mais nous ne sommes pas des ingrates. Et tous les soirs dans notre mansarde, comme l'a bien ordonné madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'aimons la voix. Et pour elle, nous n'osons même pas nous tutoyer. Madame est douce, madame est douce. Avec la bonté, madame nous empoisonne. Madame est bonne, madame est belle, madame est douce. Elle nous permet un bain chaque dimanche. Elle n'a pas bu. Évidemment, il fallait s'y attendre. Tu as bien travaillé. J'aurais voulu t'y voir. Tu pouvais te moquer de moi. Madame s'échappe. Madame nous échappe, Claire. Comment as-tu pu la laisser fuir? Elle va revoir monsieur et tout comprendre. Nous sommes perdus. Ne m'accable pas. J'ai versé le cardenas dans le tilleul. Elle n'a pas voulu le boire et c'est ma faute. Comme toujours. Car ta gorge brûlait d'annoncer la levée des crocs de monsieur. La phrase a commencé sur ta bouche. Elle s'est achevée sur la tienne. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai voulu retenir les mots. Oh, mais ne renverse pas les accusations. J'ai travaillé pour que tout réussisse. Pour te donner le temps de tout préparer. J'ai descendu l'escalier le plus lentement possible. J'ai passé par les rues les moins fréquentées. J'y trouvais des nuées de taxis. Je ne pouvais plus les éviter. Je crois que j'en ai arrêté un sans m'en rendre compte. Pendant que j'étirais le temps, toi, tu perdais tout. Tu lâchais, madame. Il ne nous reste plus qu'à fuir. Emportons-nous et fais vite, sauvons-nous. Toutes les ruses étaient inutiles. Nous sommes maudites. Maudites? Tu vas recommencer tes sottises. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais bien que les objets nous abandonnent. Les objets ne s'occupent pas de nous. Ils ne font que cela. Ils nous trahissent. Il faut que nous soyons de bien grands coupables pour qu'ils nous accusent avec un tel acharnement. Je les ai vus sur le point de tout dévoiler à madame. Après le téléphone, c'était à nos lèvres de nous trahir. Tu n'as pas, comme moi, assisté à toutes les découvertes de madame, car je l'ai vue marcher vers la révélation. Elle n'a rien compris, mais elle brûle. Tu l'as laissée partir. J'ai vu madame, Solange. Je l'ai vue découvrir le réveil de la cuisine que nous avions oublié de remettre à sa place. Découvrir la poudre sur la coiffeuse. Découvrir le fard mal essuyé de mes joues. Découvrir que nous lisions détective. Nous découvrir de plus en plus. Et j'étais seule pour supporter tous ces chocs. Seule pour nous voir tomber. Oh, Claire, il faut partir. Emportons nos fringues, vite. Prenons le train, le bateau. Partir où? Rejoindre qui? Je n'aurais pas la force de porter une valise. Partons! Allons n'importe où, avec n'importe quoi. Où irions-nous? Que ferions-nous pour vivre? Nous sommes pauvres. Claire, Claire, emportons. Emportons l'argent. Je ne le permettrai pas. Nous ne sommes pas des voleuses. La police nous aurait vite retrouvés et l'argent nous dénoncerait. Depuis que j'ai vu les objets nous dévoiler l'un après l'autre, j'ai peur d'eux, Solange. La moindre erreur peut nous livrer. Au diable! Que tout aille au diable! Il faudra bien qu'on trouve le moyen de s'évader. Nous avons perdu. C'est trop tard. Et tu crois que nous allons rester comme ça, dans l'angoisse? Nous rentrerons demain tous les deux. Nous saurons d'où venaient les lettres. Ils sauront tout. Tout. Tu n'as donc pas vu comme elle étincelait. Sa démarche dans l'escalier. Sa démarche victorieuse. Son bonheur atroce. Toute sa joie sera faite de notre honte. Son triomphe, c'est le rouge de notre honte. Sa robe, c'est le rouge de notre honte. Ses fourrures... Oh, elle a repris ses fourrures. Je suis si lasse. Il est bien temps de vous plaindre. Votre délicatesse se montre au bon moment. Trop lasse. Il est évident que les bonnes sont coupables quand madame est innocente. Il est si simple d'être innocent, madame. Mais moi, si je m'étais chargée de votre exécution, je jure que je l'aurais conduite jusqu'au bout. Solange, jusqu'au bout. Ce tilleul empoisonné, ce tilleul que vous osiez me refuser de boire, j'aurais desserré vos mâchoires pour vous forcer à l'avaler. Me refuser de mourir. Vous, quand j'étais prête à vous le demander, à genoux, les mains jointes et baisant votre robe... Il n'était pas aussi facile d'en venir à bout. Vous voyez, j'aurais su vous rendre la vie impossible et je vous aurais contrainte à venir me supplier de vous offrir ce poison que je vous aurais peut-être refusé. De toute façon, la vie vous serait devenue intolérable. Claire. Ou Solange, vous m'irritez, car je vous confonds, Claire ou Solange, vous m'irritez et me portez vers la colère, car c'est vous que j'accuse de tous nos malheurs. Osez le répéter. Je vous accuse d'être coupable du plus effroyable des crimes. Vous êtes folle! Oui, moi, car il n'y a pas de crime, Claire. Je te défie de nous accuser d'un crime précis. Nous l'inventerons donc, car vous vouliez m'insulter. Ne vous gênez pas! Crachez-moi la face! Couvrez-moi de boue et d'ordure! Vous êtes belle! Passez! sur les formalités du début. Il y a longtemps que vous avez rendu inutiles les mensonges, les hésitations qui conduisent à la métamorphose. Presse-toi. Presse-toi. J'en peux plus. Des hontes et des humiliations. Le monde peut nous écouter, sourire, hausser les épaules, nous traiter de folles et d'envieuses. Je frémis, je frissonne de plaisir. Claire, je vais émir de joie. Vous êtes belle. Passons, passons le prélude aux insultes. Vous m'éblouissez, je ne pourrai jamais. J'ai dit les insultes. Vous n'espérez pas m'avoir fait revêtir cette robe pour m'entendre chanter ma beauté. Couvrez-moi de haine, d'insultes, de crachats. Aidez-moi! Je hais les domestiques. J'en hais l'espèce odieuse et vile. Les domestiques n'appartiennent pas à l'humanité. Ils coulent. Ils sont une exhalaison qui traîne dans nos chambres, dans nos corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous corrompt. Moi, je vous vomis. Reste ici! Je monte. Je sais qu'il en faut, comme il faut des fossoyeurs, des vidangeurs, des policiers. N'empêche que tout ce beau monde est fétide. Continuez, continuez. Vos gueules d'épouvante et de remords, vos côtes plissées, vos corsages démodés, vos corps pour porter nos défroques, vous êtes nos miroirs déformants, notre soupape, notre honte, notre lit. Continuez, continuez. Je suis au bord, place-toi, je t'en prie. Vous êtes... Mon Dieu. Je suis vide. Je trouve plus. Je suis à bout d'insultes. Claire, vous m'épuisez. Laissez-moi sortir. Oh. Nous allons parler au monde. Qu'ils se mettent aux fenêtres pour nous voir. Il faut qu'ils nous écoutent. Les gens d'en face vont nous voir. J'espère bien. Il fait beau. Le vent m'exalte. Solange, Solange, reste avec moi. Rentre. Je suis au niveau. Madame avait pour elle son champ de tourterelles. Ses amants, son laitier. Solange. Silence, son laitier matinal. Son messager de l'aube, son tocsin délicieux. Son maître pâle et charmant. C'est fini. En place pour le bal. Qu'est-ce que tu fais? J'en interromps le cours. À genoux. Tu vas trop loin. À genoux! Puisque je sais à quoi je suis destinée. Vous me tuez. J'espère bien. Mon désespoir me fait indomptable. Je suis capable de tout. Ah, nous étions maudites. Tais-toi! Vous n'aurez pas à aller jusqu'au cri. Solange! Ne bougez pas! Que madame m'écoute! Vous avez permis qu'elle s'échappe! Vous. Oh. Quel dommage que je ne puisse lui dire toute ma haine, que je ne puisse lui raconter toutes nos grimaces. Mais toi, si lâche, si sotte, tu l'as laissée partir. Et maintenant, elle sable le champagne. Ne bougez pas! La mort est présente et nous guette. Laisse-moi sortir. Ne bougez pas! Je vais, avec vous peut-être, trouver le moyen et le courage, madame, de délivrer ma sœur et du même coup me conduire à la mort. Que vas-tu faire? Où tout cela nous mène-t-il? Claire, je t'en prie, réponds-moi. Moi, Solange, arrêtons-nous, j'en peux plus. Non, je continuerai seule. Seule, ma chère. Quand vous aviez de si merveilleux moyens, il était impossible que madame s'en échappât. Et cette fois, je vais en finir avec une fille aussi lâche. Madame! sur le linoléum. Étranglé par les gants de la vaisselle. Oh, madame peut rester assise. Madame et monsieur m'appelleront Mademoiselle Solange Le Mercier. Oh, mais madame aurait dû enlever cette robe noire. C'est grotesque. M'en voici réduite à porter le deuil de ma borne. À la sortie du cimetière, tous les domestiques du quartier défilaient devant moi comme si j'eusse été de la famille. J'ai si souvent prétendu qu'elle faisait partie de la famille. La bonne repoussait jusqu'au bout la plaisanterie. Oh, madame, je suis l'égale de madame et je marche la tête haute. Ah! Oh, monsieur l'inspecteur, non! Non! Vous ne saurez rien de mon travail. Rien! Rien de notre participation à ce meurtre. Les robes? Oh, mais madame peut les garder. Ma sœur et moi, nous avions les nôtres. Celles que nous mettions la nuit en cachette. Et maintenant? J'ai ma robe. Et je suis votre égale. Je porte la toilette rouge des criminels. Oh! Je fais rire, monsieur? Je fais sourire, monsieur? Il me croit folle. Il pense que les bonnes doivent avoir assez bon goût pour ne pas accomplir de gestes réservés à madame. Vraiment? Il me pardonne. Il est la bonté même. Il veut lutter de grandeur avec moi, mais j'ai conquis la plus sauvage. Madame s'aperçoit de ma solitude. Enfin, je suis seule, effrayante. Je pourrais vous parler avec cruauté, mais je peux aussi être bonne. Bon, madame se remettra de sa peur. Elle s'en remettra très bien parmi ses parfums, ses fleurs, ses robes, cette robe blanche que vous portiez le soir au bal de l'opéra. Cette robe blanche que je lui interdis toujours. Parmi ses bijoux, ses amants. Moi, j'ai ma sœur. Oui. J'ose en parler. J'ose, madame. Je peux tout oser. Et qui pourrait me faire taire? Qui aurait le courage de me dire « Ma fille, j'ai servi !» J'ai eu les gestes qu'il faut pour servir. J'ai souri à madame. Je me suis penchée pour faire le lit, penchée pour laver les carreaux, penchée pour éplucher les légumes, écouter aux portes, coller mon œil aux serrures, mais maintenant, je reste droite et solide. Je suis... l'étrangleuse. Mademoiselle Solange, celle qui étrangla sa sœur. Me tais! Non! Oh, madame est délicate! Ah, j'ai pitié de madame. J'ai pitié de sa blancheur, de sa peau satinée, de ses petites oreilles, de ses petits poignets. Je suis la poule noire. J'ai mes juges. J'appartiens à la police. Claire? Oh, Elle aimait vraiment, vraiment beaucoup, madame. Oh, oh monsieur l'inspecteur, non! Je ne dirai rien devant eux. Ces choses-là ne regardent que nous. Ça, ma petite, c'est notre nuit à nous. Ni vous, ni personne ne saurait rien. Sauf que cette fois, Solange est allée jusqu'au bout. Vous la voyez vêtue de rouge. Elle va sortir. Sortir! Descendre le grand escalier! La police l'accompagne. Mettez-vous au balcon pour la voir passer entre les pénitents noirs. Il est dit. Elle porte alors une torche de 9 livres. Le bourreau la suit de près. À l'oreille, il lui chuchote des mots d'amour. Le bourreau m'accompagne, Claire. Le bourreau m'accompagne. Elle sera conduite en cortège par toutes les bonnes du quartier, par tous les domestiques qui ont accompagné Claire à sa dernière demeure. On porte les couronnes, les fleurs, les oriflammes, les banderoles. On sonne le glas, l'enterrement déroule sa pompe. Il est beau, n'est-ce pas? Viennent d'abord les maîtres d'hôtel en frac sans revers de soie. Ils portent leurs couronnes. Viennent ensuite les valets de pied, les laquais en culottes courtes et bas blancs. Ils portent leurs couronnes. Viennent ensuite les valets de chambre, les femmes de chambre portant nos couleurs. Viennent encore les concierges, viennent encore les délégations du ciel. Je les conduis, le bourreau me berce, on m'acclame, je suis pâle et je vais mourir. Ah, que de fleurs! On lui a fait un bel enterrement. N'est-ce pas, Claire? Inutile, madame. J'obéis à la police. Elle seule me comprend. Elle aussi appartient au monde des réprouvés. Et maintenant, nous sommes Mademoiselle Solange Lemercier, la femme Lemercier, la Lemercier, la fameuse criminelle. Oh Claire, nous sommes perdus. Fermez la fenêtre et tirez les rideaux. Bien. Il est tard, tout le monde est couché, nous continuons pas. Claire? Vous verserez mon tilleul. Mais... Je dis mon tilleul. Mais nous sommes mortes de fatigue. Il faut cesser. Ah, mais non. Vous croyez ma bonne, vous en tirez à bon compte. Il serait trop facile de comploter avec le vent. De faible la nuit s'accomplit. Mais... Ne discute pas. C'est à moi de disposer en ces dernières minutes. Solange, Tu me garderas en toi. Mais non, tu es folle. Il faut partir. L'appartement est empoisonné. Reste. Claire, tu ne vois donc pas comme je suis pâle, comme je suis faible. Tu es lâche. Obéis-moi. Nous sommes tout au bord, Solange. Nous irons jusqu'à la fin. Tu seras seule pour vivre nos deux existences. Il te faudra beaucoup de force. Personne ne saura au bagne que je t'accompagne en cachette. Et surtout, quand tu seras condamnée, n'oublie pas que tu me portes en toi, précieusement. Nous serons belles, libres et joyeuses. Solange, nous n'avons plus une minute à perdre. Répète avec moi. Parle, mais... tout bas. Madame devra prendre son tilleul. Non, je ne veux pas. Garce, répète. Madame prendra son tilleul. Madame prendra son tilleul. Car il faut qu'elle dorme. Car il faut qu'elle dorme. Et que je veille. Et que je veille. Je répète, ne m'interromps plus. Tu m'écoutes? Tu m'obéis? Je répète, mon tilleul. Mais... je dis mon tilleul. Mais madame, bien, continue. Madame, il est froid. Je le boirai quand même. Donne. Et tu l'as versé dans le service le plus riche, le plus précieux.